Après tout ça, c'est moi qui ai aimé. À présent, doudou, moi constaté. C'est où qu'il a vu moi. Merci, merci, mon Dieu. Chercher pour sa part, encore. Mais non, tout le papa en fait ça. Béki de Wale. Béki de Wale. Si vous la sécurité. Béki de Wale. Si vous la sécurité. Béki. Béki. Que te voy a leer si tú la sabes.